Chapitre 2e. Malika. Il y avait plus de 60 ans que le baguero Fatah er-Rahman, bien des fois radoubé, naviguait dans l'océan Indien. Ses navires, solidement construits en bois de teck, vivent presque aussi longtemps que les baleines. Depuis 10 ans qu'il en était patron, le nakoda Yusuf le conduisait de Mascate à Alep et d'Alep à Mascate. En échange des produits de son pays, le sel, le café, la laine, il chargeait sur la côte du Travancore des bois de construction, des pièces de mâture, des cordages faits avec la bourre du coco, en un mot tous les articles propres à la navigation dont l'Arabie est à peu près dépourvue. Quand le navire fut bien amarré sur son ancre, Yusuf se fit conduire à terre. Il pouvait être midi. Quelques marchands hindous, nus jusqu'à la ceinture, abrités sous des parasols plats et ronds comme des boucliers, se montraient encore aux abords de la plage où ne résonnait plus le bruit du travail interrompu par la chaleur du jour. Yusuf suivit la longue allée de beaux arbres par laquelle on se rend du rivage à la ville, traversa les bazars, s'avança sans s'arrêter jusqu'à l'extrémité du faubourg, et arriva ainsi devant un joli verger au milieu duquel était bâtie une cabane couverte avec des feuilles de palmier. D'un côté s'élevait un bouquet de hauts cocotiers, de l'autre des jacquiers aux fruits monstrueux soutenaient sur leurs rameaux robustes les tiges flexibles de l'arbrisseau qui donne le poivre. Le nakoda se glissa furtivement le long de la haie qui séparait l'enclos de la route. Tantôt il regardait autour de lui pour s'assurer que personne ne l'observait. Tantôt il se dressait sur la pointe du pied, cherchant à voir par-dessus les buissons. Tout à coup son œil ardent s'enflamma. À travers la haie, il venait de découvrir une jeune fille assise au bord d'un puits à l'ombre d'une touffe de bambou. C'était Malika, la fille du jardinier. Elle dormait paisiblement, la tête appuyée sur le revers de sa main, dans l'attitude gracieuse et naturelle qu'eût choisi un peintre pour représenter le sommeil sous les traits d'une femme. Enfin, se dit Yusuf, la voilà dans tout son éclat, cette fleur charmante dont j'attendais depuis 3 années l'épanouissement. Que je meure si un autre que moi avance la main pour l'accueillir. Comme il se parlait ainsi à lui-même, il aperçut, de l'autre côté de l'enclos où reposait Malika, un hindou qui s'avançait lentement à la hauteur des arbres, assis sur le dos d'un éléphant. Quand il fut en face de la jeune fille, l'hindou donna un petit coup de son crochet de fer sur le cou de l'animal. La pesante bête, allongeant sa trompe, saisit à l'extrémité d'une branche une fleur rouge de cassis, la balança en l'air à plusieurs reprises et la fit voler droit sur le front de Malika. Celle-ci s'éveilla en sursaut, puis elle referma les yeux avec un sourire. « C'est toi, mon bon Soubala, » dit-elle à demi-voix. « Merci de ton présent. Tiens, prends cela pour ta peine. » Elle jeta à l'éléphant une grosse banane jaune comme l'or, que l'animal reçut à la volée et reporta dans sa large bouche avec un visible plaisir. « Et moi, dit l'hindou, n'aurais-je rien, pas même une parole d'amitié? On a des douceurs pour l'éléphant et on ne daigne pas même regarder le pauvre Mahou. » « Soubala, répliqua la jeune fille en s'adressant toujours à l'intelligent animal, « dis à Cherumal, ton maître, que le meilleur moyen de se faire bien voir d'une jeune fille, c'est de ne pas venir sans raison interrompre son sommeil. Dis-le-lui, Soubala, toi qui es un animal bien élevé, tu m'entends ?» L'éléphant fit 3 saluts avec sa trompe, comme pour prouver qu'il avait compris, et s'agenouilla aussi gracieusement que le permettait la pesanteur de son corps. À la voix de son conducteur, que le froid accueil de Malika n'encourageait point à demeurer plus longtemps à cette place, l'éléphant se releva pour continuer sa route. À plusieurs reprises, le Mahou Cherumal se retourna. Il espérait, mais en vain, que la jeune fille rachèterait ses dures paroles par un geste amical. L'éléphant Soubala, lui aussi, regardait de côté. On eût dit qu'il s'éloignait à regret de la belle Malika. Son instinct lui avait appris qu'il inspirait à celle-ci l'affection qu'elle refusait à son maître. Enorgueilli de la distinction flatteuse dont il était l'objet, il agitait avec bruit ses vastes oreilles, tout en suivant les sentiers trop étroits qui l'emplissaient de son énorme masse. Pendant que cette scène inattendue se passait sous ses yeux, le nakoda Yusuf, caché derrière la haie, était demeuré en observation. Il avait eu tout le temps de contempler les traits gracieux de la jolie hindoue qui posait naïvement devant lui. Au moment où le Mahou disparut au tournant du sentier, quand il n'entendit plus que le craquement lointain des branches brisées au passage par le colossal éléphant, il écarta doucement les buissons et se montra. Cette fois, Malika s'éveilla tout de bon. Elle ouvrit ses grands yeux voilés de longs cils et doux comme ceux de l'antilope. Il ne lui échappa ni un cri de terreur, ni un geste d'indignation. D'un mouvement rapide, elle ramena sur sa poitrine l'écharpe qui avait glissé pendant son sommeil et recula lentement jusqu'au seuil de sa maison. Immobile et sérieuse, elle semblait, par la vivacité de son regard, en interdire l'approche au trop hardi Nakoda. L'apparition de l'étranger faisait sur elle une impression tout opposée à celle que lui avait causée la présence du Mahou. En proie à une émotion qui colorait d'une teinte rose ses joues plus brunes que le fruit du marronnier d'Inde, elle semblait dire à l'arabe « Que voulez-vous? D'où venez-vous » Celui-ci marcha hardiment vers Malika. Il la salua avec un imperceptible sourire, emportant sa main à son front, et déposa près d'elle, sur la margelle du puits, un bracelet d'or. Au moins n'avait-il pas, comme le conducteur d'éléphants, interrompu sans raison le sommeil de la jeune fille. Il croyait que le plus court chemin pour arriver au cœur d'une pauvre et ignorante fille de la côte de Malabar, c'était d'agir en amant magnifique. À son présent, Youssouf ne joignit point la pantomime sentimentale dont l'eût accompagné un berger de boucher. Sans rien dire, il se retira en saluant une seconde fois, content que le joyau précieux sur lequel étincelaient en gerbes resplendissantes les rayons du soleil se chargerait de parler pour lui. Comme un oiseau attiré par la vue d'un beau fruit mûr, Malika se pencha sur le bracelet. Jamais si riche joyau n'avait ébloui son regard. Elle le contemplait avec un ravissement mêlé de surprise et hésitait encore à s'en saisir. Après l'avoir admiré quelques instants, elle le passa à son bras, puis le retira précipitamment pour le cacher sous son écharpe. Le grognement des buffles lui annonçait le retour de son père qui venait de labourer un coin reculé de l'enclos. Le vieux jardinier, courbé par l'âge, ramenait donc lentement son attelage. Affaissés sur leurs courtes jambes, le mufle pendant, les patientes bêtes s'arrêtèrent devant la cabane. Elles attendaient avec résignation qu'il leur fût permis d'aller se rafraîchir dans l'eau des étangs où elles restent plongées tant que dure la grande chaleur. Malika s'empressa d'aider son père à dételer les buffles. En proie à une agitation extraordinaire, elle éprouvait le besoin de se donner du mouvement. À son insu, elle obéissait aussi au désir de plaire, comme si d'autres regards que ceux du vieillard eussent été fixés sur elle. Cette besogne un peu rude, qui convenait à un bouvier mieux qu'à une jeune fille, Malika s'en acquitta avec aisance et grâce. Issue d'une race à demi-sauvage, élevée au grand air, elle était douée de cette vigueur précoce qui est un des charmes de l'adolescence. De bonne heure, sans y être contrainte, elle avait pris l'habitude de s'associer aux travaux paternels. Ce jour-là, elle se sentait plus active encore que de coutume. Une joie inconnue faisait battre son cœur. Elle croyait n'avoir jamais tant aimé son vieux père, et tandis qu'elle se montrait envers lui prévenante et affectueuse, une autre image passait obstinément devant ses yeux. Il lui revenait en mémoire que bien des fois déjà ce même étranger avait rôdé aux abords de sa demeure. C'était donc pour elle qu'il venait souvent errer auprès du jardin, silencieux et attentif, comme si la vue des fleurs et des fruits avait pour lui un attrait irrésistible. Dès que les buffles furent débarrassés du joug, la jeune fille courut chercher un plat de riz blanc comme la neige sur lequel elle répandit une sauce de carry saupoudrée de piment rouge. Le vieux jardinier y plongea la main avec avidité. Il en retira une grosse boule qu'il porta à sa bouche et tournant vers le frais visage de Malika sa face ridée. « Malika, tu es une bonne fille. Voilà un plat de riz qui rappellerait à la vie un mourant. Tu fais la consolation de ma vieillesse, mon enfant. Tu m'entoures de soins. Je ne serais plus qu'un pauvre vieillard sans force ni courage si je ne t'avais plus. »